Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Guémouzou, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 30 août et nous souhaitons une bonne fête au Fiacre. C'est du nom de Saint Fiacre, moine irlandais qui vécut en France au 7e siècle. Et Fiacre est également le saint patron des jardiniers. Quel charme et quelle présence sécurisante. Assurément, Fiacre ne laisse pas indifférent. Calme, posé et équilibré, il est désireux de plaire et de faire plaisir. Pour cela, d'ailleurs, il n'hésite pas à user d'armes redoutables. Sourire, conciliation, tolérance, tact, diplomatie et même raffinement. Esthète et perfectionniste dans l'âme, il possède une nature scrupuleuse et se sent souvent des obligations familiales. Celle-ci le détermine fortement, soucieux qu'il est de ne pas faire de peine à ses proches. Il allie sensibilité, émotivité et intuition et est habituellement courageux et déterminé. Pourtant, il lui arrive, face à l'hostilité ou lorsqu'il se sent incompris, de se replier sur lui-même. Il se réfugie alors dans des rêveries et des chimères. Bien sûr, il préfère les jeux de l'amour à ceux de la guerre. Il peut réaliser de grandes choses et s'investir dans des associations ou mouvements à caractère humanitaire, le plus souvent politique ou artistique. Mais pour cela, il a besoin d'être stimulé par les autres, ses amis, ses proches. C'est ainsi qu'on peut le voir novateur dans l'âme sur un fond quelque peu utopiste. Dicton du jour à la Saint-Fiacre, soleil ardent pour 8 jours encore du beau temps. Bon, on verra tout à l'heure que c'est pas gagné. Célébration internationale aujourd'hui, c'est la journée internationale des victimes de disparition forcée. Et dans les événements qui se sont déroulés un 30 août en 1963, c'était la mise en place du fameux téléphone rouge, ligne de communication directe entre les États-Unis et l'Union soviétique. Et en 2013, c'était l'annonce de la découverte du Grand Canyon du Groenland. Allez, on va faire une pause musicale et aujourd'hui les pauses musicales seront consacrées à Michael Jackson. Il aurait eu 60 ans hier, trop dur pour moi de choisir un titre de Michael Jackson, donc ce matin on en aura 3. Et oui, pour notre plus grand plaisir, 3 titres de Michael Jackson. Et on commence tout de suite avec le titre « They Don't Care About Us ». Skinhead, deadhead, everybody calling back. Situation, I got They Don't Care About Us, Michael Jackson sur RGM, presque 8h38, on parle anniversaire. Ils sont nés un 30 août 1932, naissance de Geneviève de Fontenay, organisatrice de concours de beauté française. 1943, naissance de Jean-Claude Killy, ancien skieur, coureur automobile français, triple champion olympique de ski à Grenoble. En 1968, il est l'un des quatre Français à avoir remporté trois médailles d'or au cours des mêmes Jeux olympiques avec Roger Ducret, Paul Masson et un certain Martin Fourcade. Et au championnat du monde, il compte également 7 médailles d'or. 1946, naissance de Peggy Lipton, actrice américaine, connue pour son rôle de Norma Jenkins dans Twin Peaks, la série, et apparue également dans la série Alias. 1951, naissance de Timothy Bottoms, acteur américain, vu dans Johnny s'en va en guerre dans le rôle de Joe Bonham et l'homme au masque de fer dans le rôle de Fouquet. 1963, naissance de Michael Chiklis, acteur américain, connu pour son rôle de Ben Grimm alias La Chose dans Les 4 Fantastiques et Les 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent, vu également dans la série L'As de la Crime dans le rôle du commissaire Tony Scully, The Shield dans le rôle de Vic Mackey, Sons of Anarchy ou encore Gotham dans le rôle du capitaine Nathaniel Barnes. 1969, naissance de Laurent Delahousse, journaliste et présentateur télé français. C'est également l'année de naissance de Valérie Benahim, journaliste, animatrice radio et télé, chroniqueuse française. 1972, naissance de Cameron Diaz, actrice américaine, vue dans The Mask dans le rôle de Tina Carlyle, Le mariage de mon meilleur ami dans le rôle de Kimberly Wallace, Marie à tout prix dans le rôle de Mary Jensen, dans la peau de John Malkovich, Charlie et ses drôles de dames 1 et 2 dans le rôle de Natalie Cook, Vanya Sky dans le rôle de Julie Gianni, Gangs of New York dans le rôle de Jenny Everstein, The Holiday dans le rôle d'Amanda Woods, Jackpot dans le rôle de Joy McNally, Bad Teacher, Ce qui vous attend si vous attendez un enfant, et elle est la voix originale du personnage Princesse Fiona dans les différents Shrek. 1975, naissance de Marina Anissina, ancienne patineuse russe-française, championne olympique en danse sur glace avec Gwendal Pesra en 2002. Ils comptent tous deux également au championnat du monde une médaille d'or, 3 d'argent, championnat d'Europe 2 d'or, 2 d'argent et 1 de bronze, et au championnat de France 6 d'or et 2 d'argent. 1977, naissance de Loana Petrucciani, plus connue sous le nom de Loana, hein. Styliste, chroniqueuse télé française, gagnante en 2001 de la première émission de télé-réalité française, hein, le Love Story, on s'en souvient. 1979, naissance de Juan Ignacio Chela, ancien joueur de tennis argentin, ayant fait carrière de 1998 à 2012, qui était 15e mondial en 2004, quart de finaliste à Roland-Garros ainsi qu'à l'US Open, 8e de finaliste à l'Open d'Australie, 32e de finaliste à Wimbledon. En double, il a été demi-finaliste à Wimbledon et en 2007, il avait remporté une World Team Cup. 1982, naissance d'Andy Roddick, ancien joueur de tennis américain, ayant fait carrière de 2000 à 2012, qui a été numéro 1 mondial le 3 novembre 2003. Il a remporté une fois l'US Open, 3 fois finaliste à Wimbledon, demi-finaliste à l'Open d'Australie et 8e de finaliste à Roland-Garros. En 2007, il avait remporté la Coupe Davis. Il a détenu pendant 7 ans le service le plus rapide du tennis professionnel avec une mise en jeu à 249 km/h. Et à noter qu'il est le dernier joueur américain à avoir remporté l'US Open en simple. Alors, est-ce que ce sera un Américain qui le remportera cette année ? Eh bien, réponse dans quelques jours maintenant. 1988, naissance d'Ernest Gulbis, joueur de tennis letton, professionnel depuis 2004, meilleur classement à l'ATP, la 10e place atteinte le 9 juin 2014, meilleure performance, pardon, en Grand Chelem, c'est une demi-finale à Roland-Garros en 2014 où il s'est incliné face à Novak Djokovic, 8e de finaliste à Wimbledon ainsi qu'à l'US Open et 32e de finaliste à l'Open d'Australie. En 1971, décédé Louis Armand, ingénieur résistant français, membre de l'Académie française. En 1979, décédé Jean Seberg, Jane Seberg, c'est mieux. Actrice américaine, vue dans Bonjour Tristesse dans le rôle de Cécile, à bout de souffle dans le rôle de Patricia Franchini. En 1992, décédé Claude Barma, réalisateur scénariste français, à qui l'on doit les enquêtes du commissaire Maigret. En 2002, décédé John Lee Thompson, Gibson, réalisateur d'origine britannique à qui l'on doit les canons de Navarone ou encore les nerfs à vif. En 2003, décédé Charles Bronson, acteur américain vu dans Les Sept Mercenaires, La Grande Évasion, Les Douze Salopards ou encore Il était une fois dans l'Ouest. Et en 2015, décédé Wes Craven, réalisateur, scénariste, producteur américain à qui l'on doit Les Griffes de la Nuit, L'Emprise des Ténèbres, Freddy Sort de la Nuit ou encore Scream 1, 2, 3 et 4. Allez, autre pause musicale avec Michael Jackson et c'est le titre Heal the World. About the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place. There's a place in your heart and I know that it is love. Be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. This place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there. If you care enough for the living, make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Strong, it only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel, there are dreams. Stop existing and start living. Then it feels that always love's enough for us growing. Make a better world, make a better world. World, Michael Jackson sur le 107 FM, un peu plus de 8h49, on fait un point météo. La météo. Aujourd'hui, le temps sera couvert et mitigé, des températures comprises entre 14 et 15 degrés ce matin, entre 17 et 19 degrés cet après-midi. Pour vendredi, ce sera de la pluie avec des orages encore à prévoir, des températures comprises entre 12 et 13 degrés le matin, entre 16 et 18 degrés l'après-midi. Et pour samedi, ce sera une journée ensoleillée, des températures comprises entre 10 et 11 degrés le matin, entre 18 et 20 degrés pour samedi après-midi. Allez, on fait un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Football National 3, le derby entre Thaon-les-Vosges et Raon-l'Étape a vu la victoire de Thaon 3 buts à 1. Ce soir en Europa League, match retour, Bordeaux reçoit la Gantoise. Je vous rappelle qu'à la Lille, les deux équipes avaient fait match nul, 0 partout. Et aujourd'hui aura lieu le tirage au sort de la Ligue des Champions. Un mot de cyclisme avec la Vuelta, l'étape d'hier a été remportée par Clark, le premier français c'est Rudy Mollard, 6e, Nasser Boigny, lui s'est classé loin, très très loin, 176e. Allez, on fait un point complet sur le tennis avec l'US Open et ce n'était pas une journée pour nos Français hier. Humbert s'est incliné en 4-7 face à Wawrinka, 7-6, 4-6, 6-3, 7-5. Jérémy Chardy s'est incliné en 3-7 face à Anderson, 6-2, 6-4, 6-4. Gilles Simon s'est incliné en 3-7 face à Raonic, 6-3, 6-4, 6-4. A noter qu'Andy Murray s'est incliné en 4-7 face à Verdasco, 7-5, 2-6, 6-4, 6-4. Raphaël Nadal s'est imposé en 3-7 face à Pospisil, 6-3, 6-4, 6-2. Del Potro s'est qualifié en 3-7 face à Kudla, 6-3, 6-1, 7-6. John Isner s'est imposé en 5-7 face à Jarry. Dominique Thiem s'est imposé en 5-7 face à Johnson. Et a noté l'élimination de la tête de série numéro 15, Tsitsipas, qui s'est incliné en 4-7 face à Medvedev. Une paire de tricolores sur les cours aujourd'hui. Aujourd'hui à l'US Open, on commence avec Benoît Paire qui aura un gros match face à Roger Federer. Nicolas Mahut affrontera Alexander Zverev. Gaël Monfils sera opposé à Nishikori, Lucas Pouille à Bagdatis, Herbert à Kyrgios, Gasquet à Djere et Beneteau à Struff. Donc autant dire journée compliquée qui attend nos tricolores aujourd'hui. Djokovic affrontera Sandgren, Cilic sera opposé à Urkacz, Fonini à Milman, Goffin à Haase, Schwartzmann affrontera Mouniar et Karen Busta sera opposée à Souza. Côté féminin, hier, Sloane Stephens s'est qualifiée en 3-7 face à Kalinina, 4-6, 7-5, 6-2. Serena Williams s'est qualifiée en 2-7 face à Witthoft, 6-2, 6-2. Venus Williams s'est qualifiée en 2-7 face à Georgie, 6-4, 7-5. Svitolina s'est qualifiée en 2-7 face à Maria, 6-2, 6-3. A noter que Muguruza, tête de série numéro 12, s'est inclinée en 3-7 face à Mukova, 3-6, 6-4, 6-4. La tête de série numéro 9, Gorge s'est inclinée en 2-7 face à Makarova, 7-6, 6-3. Pliskova s'est qualifiée en 2-7 face à Bogdan et Mertens qualifiée en 2-7 face à Lapko. Aujourd'hui, Caroline Garcia affrontera Puig. Kristina Mladenovic sera opposée à Suarez Navarro. Angélique Kerber affrontera Larsson. Maria Sharapova sera opposée à Sirstea. Kvitova affrontera Wang. Ki sera opposée à Pera. Wozniacki à Tsurenko. Gazankina affrontera Saznovic. Eugénie Bouchard sera opposée à Vondrousova. Ostapenko à Thompson et enfin Bertens s'affrontera Di Lorenzo. Allez, dernière pause. On ne pouvait pas faire une spéciale Michael Jackson sans passer l'un de ses plus gros tubes, Thriller. We'll be right back. Thriller Thriller, Michael Jackson sur RGM. Allez, c'est l'heure de se dire au revoir. Un point rapide sur ce qui vous attend dans quelques secondes, ce sera la rediffusion de La Parole est à vous avec Michel, 13h30, rediffusion de La Chronique de Michel, 16h, rediffusion des Années Bonheur avec Gilou, 18h, L'Heure des Loups avec Lou, 20h, Jukebox, 23h, Rock à la Casbah. Et nous, on se retrouve demain matin, même heure, même endroit pour la dernière de la semaine et la dernière du mois d'août. Excellente journée à tous.